accepté, vous l'avez déjà refusé, vous n'aurez pas, non, accepté, vous l'avez déjà. Vous l'avez déjà refusé, vous n'aurez pas accepté, vous l'avez déjà. Mais vous refusez ce que vous n'avez pas, vous acceptez ce que vous avez déjà. Vous refusez ce que vous n'avez pas, vous acceptez ce que vous avez déjà. Vous refusez, vous acceptez. Hier, aujourd'hui ou demain, triste dans la joie ou incertain, n'oublie pas ce que je te dis, je te parle comme un ami, n'oublie pas ce que je te dis. Après tout, ce n'est pas un délire, le droit de se tromper, rêver, s'interroger, la vie n'est pas si difficile. Même si c'est maxi compil, les gens ne sont pas si compliqués. Même si c'est maxi compil, la vie n'est pas si hostile. Même si c'est maxi compil, les gens ne sont pas si compliqués. Refusez, vous n'aurez pas accepté. Vous l'avez déjà refusé, vous n'aurez pas, non, accepté, vous l'avez déjà. Mais vous refusez ce que vous n'avez pas, vous acceptez ce que vous avez déjà. Vous refusez ce que vous n'avez pas, vous acceptez ce que vous avez déjà. Vous refusez, yeah. Qu'était sa chemise de la vie, paysagiste averti, biologiste en sursis. On n'est jamais surpris par la vie. Fais bien attention, mets en alerte tes intentions. Les temps vont, bouger les temps vont. Juger la vie pas si difficile. Même si c'est maxi compil, les gens ne sont pas si compliqués. Même si c'est maxi compil, la vie n'est pas si hostile. Même si c'est vraiment, les gens ne sont pas si compliqués. Même si c'est maxi compliqué, même si c'est maxi compliqué.